Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. À partir de quand trouve-t-on le nom de Bouddha en Chine et quelles sont les sources qui le citent, demande la sinologue Han Chang. Comment apparaît-il en rêve à l'empereur Ming, volant tout doré, un éclat de lumière au sommet de son crâne? Comment a été fondé le temple du cheval blanc, première institution bouddhiste officielle dans l'Empire du Milieu? Han Chang, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, questionne selon sa formule la prétention chinoise à l'universalité dans le cadre de sa grande série pluriannuelle intitulée Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Dans le cours précédent, Han Chang est revenu sur la notion de centralité dans la Chine ancienne et sur la façon dont l'empire du milieu s'est ouvert aux autres et s'est trouvé décentré au contact de l'Inde. Dans un article de janvier 2018, la sinologue revient sur son approche qu'elle définit comme une tentative historique d'inverser les points de vue au plan des représentations. L'Europe, nous dit-elle, a longtemps vu le monde à partir d'elle-même, notamment depuis l'époque des grandes découvertes au XVe, XVIe siècle. C'est donc en se fondant sur sa propre vision que l'Europe a proposé sa conception du monde et de l'universalité. Or, la notion d'universalité présente ce paradoxe bien connu qu'elle est tout sauf universelle. Alors que l'avènement de l'universalité des droits de l'homme apparaît désormais en quelque sorte naturellement comme le produit de la philosophie des Lumières européennes qui représente elle-même le triomphe de la raison, l'universalité chinoise a partie liée avec une certaine idée de la civilisation enracinée dans un centre unique, Zhong, qui diffuse son influence civilisatrice vers la périphérie. Rappelons que la Chine se désigne elle-même, ou plus exactement, s'est volontiers laissée désigner par ses voisins satellites comme le pays ou l'empire du milieu, en anglais « the Middle Kingdom », Zhongguo. Mais ainsi que le fait remarquer l'historien de la Chine Damien Chaussand, en réalité le terme chinois « Zhongguo » signifie « état » ou « état du centre » et fait référence à l'Antiquité, à une époque où la Chine n'était pas unifiée et où l'on distinguait les états chinois. Dans le cours précédent, Han Chang a montré comment la voie du Bouddha s'est trouvée associée au taoïsme. Aujourd'hui, elle explore les différentes sources qui font apparaître en premier le nom de Bouddha en Chine ancienne. Han Chang rend aussi un bref hommage aux travaux d'Henri Maspero, professeur de langue et littérature chinoise au Collège de France, de 1919 à sa disparition en déportation en 1945. Elle cite son article intitulé « Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming, étude critique de sources » publié au début du XXe siècle. Henri Maspero, illustre historien et sinologue, y écrit « Le Sutra, en 42 articles, passe pour avoir été le premier ouvrage bouddhiste traduit en chinois. » L'histoire traditionnelle de l'introduction du bouddhisme en Chine est bien connue, poursuit Henri Maspero. Au milieu du 1er siècle de notre ère, l'empereur Ming des Han orientaux, ayant vu en rêve le Bouddha, envoya des ambassadeurs dans l'Inde pour s'enquérir de sa doctrine. À leur retour, ces ambassadeurs rapportèrent des livres et des statues et ramenèrent avec eux deux bonzes hindous, les premiers venus en Chine, qui commencèrent à traduire les écritures bouddhiques en chinois. Cette histoire est racontée par un grand nombre d'écrivains, mais depuis la fin du VIe siècle, tous ne font que reproduire un récit fixé pour le fond et pour la forme avant eux. Et c'est bien cette riche histoire que nous retrouvons avec la question déjà soulevée par Henri Maspero sur sa véracité historique. Ce récit, écrit-il, qui a passé dans les histoires dynastiques, a été longtemps accepté comme rigoureusement vrai. Mais récemment, la découverte de quelques textes nouveaux a mis en question son authenticité. Alors comment le bouddhisme a-t-il été introduit dans l'Empire du Milieu? Comment s'est-il trouvé d'emblée sous le patronage impérial? Comment l'éveil bouddhique marque-t-il la prise de conscience en Chine qu'il existe d'autres langues sacrées? Et comment entraîne-t-il un processus de traduction? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 29 novembre 2019 pour le cours d'Anchang. Aujourd'hui, quand l'empereur Ming rêve de Bouddha, quelles sont les sources et les premières représentations de Bouddha en Chine? Donc nous reprenons le cours de nos travaux axés sur le rapport à l'autre ou aux autres de cette Chine du premier empire centralisé des Han, dont nous avons vu qu'elle se représente ou se projette volontiers dans les sources textuelles comme un espace fortement centré et hiérarchisé, comme une centralité civilisatrice qui rayonne ou irradie en quelque sorte de la civilisation aux quatre orients sans qu'il y ait de limite à la périphérie. Donc centralité qui se confirme et se conforte elle-même dans la confrontation souvent hostile avec les autres immédiats, notamment les Xiongnu, sur les marges immédiates de l'espace chinois. Je vous rappelle cette carte où on voit assez bien comment ces nomades Xiongnu, enfin en tout cas ce royaume Xiongnu, enserre véritablement l'espace chinois au nord et à l'ouest. Or, cette représentation commence à se trouver ébranlée dans ses fondements par la prise de connaissance, ou on pourrait dire la prise de conscience, de l'existence d'autres centres possibles de civilisation, au-delà des autres immédiats, qui, eux, sont considérés véritablement comme des sauvages. Et là aussi, vous reconnaîtrez cette carte d'exonyme, c'est-à-dire de noms donnés à des populations ou des toponymes étrangers. Donc vous voyez que cette carte reprend plus ou moins donc la précédente, mais avec les toponymes en chinois, qui permet de constater une démarcation assez nette entre les dénominations peu flatteuses des populations sur le pourtour immédiat de l'espace chinois. Donc vous avez ici l'espace chinois désigné ici comme Huaxia. Et tout autour, donc, vous avez ces ethnies plus ou moins nomades qui sont désignées avec des graphies qui comportent des radicaux peu flatteurs comme des chiens, des insectes rampants et autres gracieusetés. Et c'est en contraste assez net avec ce que vous avez sur la gauche de la carte, c'est-à-dire à l'ouest, beaucoup plus à l'ouest, des désignations au contraire idéalisantes de royaumes beaucoup plus éloignés qui sont qualifiés par exemple de grands comme Ta Qin tout au bout là-bas, ici, là vous avez le Ta Qin, le grand Qin, qui désigne l'extrême, oriental romain. Et vous avez aussi d'autres royaumes qui sont désignés carrément comme célestes, comme le Tianzhu ici, qui désigne en gros ce que les Chinois connaissaient du monde indien. Alors, comme nous le rappelions la dernière fois, les sources de la fin des Han et du début de la période de désunité qui a suivi, c'est-à-dire donc nous sommes à la fin du 2e, 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne, donc ces sources témoignent d'une grande ambivalence vis-à-vis de ce que l'on entendait dire sur ce royaume de Tianzhu, au-delà des montagnes, au-delà de la chaîne des Himalayas, que l'on qualifiait donc de céleste, tout en continuant à le dire peuplé de Hu, donc une désignation réservée aux barbares de l'Ouest. De la même façon que nous retrouvions cette même ambivalence avec ces premiers rudiments d'enseignement bouddhique qui suscitaient la curiosité en Chine, tout en étant récupérés, en quelque sorte, comme au fond étant à peu près la même chose que les sagesses que l'on connaissait déjà dans le monde chinois de la haute antiquité, voire ce qui était considéré comme de simples avatars de ces sagesses chinoises. Nous avons vu la dernière fois justement que le Bouddha, pour les concurrents taoïstes, était considéré comme une sorte de réincarnation de Lao Tzu, ou carrément un disciple de Lao Tzu. Alors c'est dans ce contexte que notre Bouddha fait ses premières apparitions dans les sources chinoises, sous un aspect, on l'a déjà vu mais on va le revoir aujourd'hui, assez fantastique, hein, voire fantasmagorique. Alors si nous reprenons le texte du Mozi Li Huo Luan, c'est-à-dire donc ici dans la traduction excellente de Béatrice Laridon, paru récemment dans cette collection bleue des belles lettres, début des Chinois, donc Mozi, maître Mo, dialogue pour Li Huo Luan, c'est-à-dire pour dissiper la confusion. Ce sont des dialogues qui sont attribués, comme on l'a vu, à un lettré de l'extrême sud de l'espace chinois qui aurait vécu à la toute fin des Han postérieurs, c'est-à-dire à la fin du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Et donc nous avions vu justement que cet ouvrage avait joué un rôle important dans la fondation du bouddhisme vietnamien, puisqu'il se situe à l'extrême sud de la Chine et donc au nord du Vietnam actuel. Nous avions lu un passage la dernière fois, mais j'attire cette fois-ci votre attention sur l'argument numéro 21. Alors, nous avons ici un dialogue entre quelqu'un qui pose une question, Wen Yue. Quelqu'un demande donc Han di shi wen fu dao qi suo cong chu ye. Donc lorsque on commença, je vous donne la traduction de Béatrice Laridon, lorsque l'on commença à entendre parler de la doctrine du Bouddha, fu dao, sur le territoire des Han, Han di, d'où provenait-elle? Et la réponse de Maître Mo vient ensuite, Mo Ziyue. Xi Xiaoming Huangdi, Meng Jian Shen Ren, Shen Yu Ri Guang, Fei Zai Dian Qian, Xin Ran Yue Zhi, Ming Ri Bo Wen Qun Chen, Zu Wei He Shen. Donc, autrefois, l'empereur Ming, alors c'est un empereur des Han postérieurs qui a vécu de 28 à 75 de l'ère chrétienne et qui a régné entre 58 et sa mort, donc en 75. Donc cet empereur vit en rêve un Shen Ren, donc un homme Shen, c'est-à-dire de nature divine. Alors son Shen Yu Ri Guang, donc son corps avait l'éclat du soleil. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits, c'est cet être qui dégage une lumière extraordinaire. Et l'autre trait caractéristique, c'est qu'il volait, fei, zai dian qian, devant la grande salle du palais. Et donc l'empereur Ming en fut tout réjoui, hein, c'était un très beau rêve. Et le lendemain, il demanda à l'assemblée de ses ministres, Zi Wei He Shen, quel pouvait être ce dieu, cette divinité. Yo Tong Ren, Fu Yi Yue. Alors, dans l'assemblée des ministres, vous avez un certain Fu Yi, dont on nous dit qu'il était Tong Ren, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui trong, c'est-à-dire qui savait, connaissait, comprenait pratiquement tout, beaucoup de choses. Donc un homme savant. Et qui donc répondit « Chen wen tian zhu you de dao zhe hao yue fuo fei xing xu kong shen you ri guang dai jiang qi shen ye. » Alors Chen, c'est votre serviteur, donc c'est Fuyi, donc ce savant, qui se désigne ainsi, c'est un terme de modestie, donc votre serviteur a entendu dire qu'au Tianzhu, donc nous avons vu que ça correspond plus ou moins à ce monde indien, se trouvait un homme qui avait de Daozhe, donc qui avait trouvé la voie, hein, le Dao, et dont le titre était Fuo, qui veut dire littéralement en sanskrit donc le Bouddha, l'éveillé, hein, celui qui a connu la Bodhi. Il vole, Fei Xing Xu Kong, donc il vole à travers le vide, et Shen You Ru Guang, et il reprend cette formule, et son corps a l'éclat du soleil. Il brille comme le soleil. Il doit donc s'agir de cette divinité que, sous-entendu, que l'empereur a vu en rêve. Alors, Yu Shi, Shang Wu. Alors, l'empereur, Wu. Alors ici, vous avez un verbe intéressant qui veut dire littéralement s'éveilla. Alors, ici, on peut comprendre qu'éventuellement, il s'éveille de son rêve, mais en principe, c'est déjà fait puisque nous sommes déjà au lendemain de la nuit où il a rêvé de ce dieu et en principe il est déjà réveillé. Donc ici, Wu peut avoir aussi le sens de connaître l'éveil au sens de l'éveil bouddhique, hein, c'est-à-dire prendre connaissance de la vérité ultime. Alors, Tian Zhong Lang Cai Yin Yu Lin Lang Zhong Qin Jing 博士弟子王尊等十八人于大月之. Là-dessus, il envoya 18 personnes, 十八人, parmi les 大月之, c'est-à-dire les grands 月之. Nous avons vu que c'est une peuplade qui a été repoussée très loin à l'ouest, vers ce que nous appelons maintenant l'Asie centrale, et que l'émissaire de l'empereur Wudi, des Han, a envoyé vers l'ouest, a essayé de rallier justement à l'allégeance chinoise contre les Xiongnu. Donc cet empereur envoie une délégation de 18 personnes chez les grands Yuezhi, parmi lesquels on trouve le Zhonglang Cai Yin, l'officier du palais Cai Yin, le Yulin Lang Zhong, le chef de la garde Qin Jing, et le Bo Shi Di Zi, c'est-à-dire littéralement l'étudiant de l'académie, Wang Zun, c'est-à-dire l'apprenti docteur Wang Zun. Et vous allez voir que les noms et la liste de ces personnages varient en fonction des récits. Alors, que font ces gens? Xie Fuo Jing, 42 Zhang, Cang Zai, Lantai Shi Shi, Di Shi Si Jian. Ils notèrent par écrit le Fuojing, c'est-à-dire donc l'écriture canonique, l'écriture sacrée, autrement dit ce qu'on appelle en sanskrit le sutra, en 42 sections. Donc je rappelle que le sutra, strictement parlant, il s'agit d'un écrit qui est censé consigner donc la parole du Bouddha. Donc ici, si cet épisode est authentique, ça voudrait dire qu'il s'agit de la première écriture bouddhique qui serait donc arrivée en Chine. Alors, ils notèrent par écrit ce sutra en 42 sections qui fut conservé comme un trésor dans la 14e salle de la Lantai Shi Shi, c'est-à-dire littéralement la salle de pierre, hein, c'est-à-dire une espèce de coffre-fort de la terrasse Lantai, qui est en fait la bibliothèque des archives impériales. Ensuite, le texte continue en disant « Shi Yu Luoyang Cheng, Xi Yong Men Wai » 起佛寺，于其壁画千乘 万起绕塔三匝。Donc un temple dédié au Bouddha fut alors construit à l'extérieur de la porte Xiyong de la capitale Luoyang. Et sur ses murs furent peints 1000 chars et 10 000 cavaliers tournant 3 fois autour d'un tra. Tra en est venu, c'est une construction qui peut être de dimensions diverses, qui a fini par être traduite par pagode. Le tra, c'est ce que vous voyez en Chine et en Asie de l'Est et du Sud-Est, ces constructions à plusieurs étages, verticales, mais qui désigne à l'origine un stupa, c'est-à-dire donc quelque chose qui représente en fait le Bouddha, hein, parce que le Bouddha a commencé par être représenté de façon, comment dire, non anthropomorphique, hein. Les représentations anthropomorphiques du Bouddha, c'est-à-dire la statue du Bouddha, est quelque chose de relativement tardif au départ. Il est représenté par des stupas ou bien par une trace de pied dans le sol ou quelque chose comme ça. Alors, Yu Yu Nangong, Qing Liang Tai, Di Kaiyang Chengmen Shang, Zuo Fo Xiang. De plus, on érigea des images du Bouddha sur la porte Kaiyangcheng et sur la terrasse Qingliang du palais du sud. Donc ici, nous aurions des représentations du Bouddha qui sont érigées à l'intérieur même du palais impérial. C'est vous dire justement, ici nous avons tous les signes d'un patronage impérial tout à fait explicite et assumé. Et Ming Di Shi, Yu Xiu Zao, Shou Ling Yue Xian Jie, Yi Yu Qi Shang, Zuo Fo Tu Xiang. Donc l'empereur Ming faisait alors construire à l'avance son mausolée. Ça, c'était une pratique des empereurs. Nous connaissons bien le mausolée de l'empereur Qin, le premier empereur de l'Empire centralisé, qui s'est fait enterrer avec son armée de terre cuite, qu'on voit encore à Xi'an. Et donc, ensuite, vous avez cette pratique impériale des Han de se faire construire un mausolée avant même sa mort. Donc, on a tout prévu, le mausolée est déjà là. Donc, cet empereur se faisait construire son mausolée, qu'il avait appelé Xian Jie, c'est-à-dire littéralement la manifestation de la tié, c'est-à-dire de la soit ça peut vouloir dire de la simplicité, hein, tié, ça peut vouloir dire aller à l'économie en quelque sorte, ou alors ça veut dire être dans le respect des rites, hein. Donc il construit ce mausolée pour dire qu'il est tout à fait respectueux des rites, et on nous dit que sur ce mausolée fut également édifié une représentation du Bouddha. Alors, comme si ça suffisait pas de mettre des statues de Bouddha dans tout le palais, là, il en met une carrément au sommet du mausolée dans lequel il va se faire enterrer. Shi Guofeng Min Ning, Yuan Yi Mu Yi, Xue Zhe, You Ci Er Zi. À cette époque, l'empire, le pays était riche et le peuple en paix. Les peuples les plus lointains admirait la justice, sous-entendu la justice régnant sur la terre des Han. Alors ça, je vous ferai remarquer au passage que c'est l'idéal de tous les souverains chinois, y compris ceux d'aujourd'hui. Donc avoir la paix sociale et avoir la paix aux frontières. Bon, alors j'aime mieux vous dire que actuellement c'est quelque chose d'assez problématique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais tout ça pour vous dire que ces objectifs politiques n'ont pas beaucoup varié depuis des siècles. Phrase finale, donc Xuezhe, ceux qui étudiaient sous-entendu la voie du Bouddha, dès lors commencèrent donc à se multiplier. Alors, ici même, au Collège de France, nous avons eu la chaire d'études chinoises occupée pendant plusieurs années par le très éminent Henri Maspero, dont je rappelle qu'il a occupé cette chaire jusqu'à sa déportation et sa mort en camp de concentration à Buchenwald en 1945. Et Henri Maspero a consacré un très long article intitulé « Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming ». Un long article qui est paru en 1901 dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, dans le numéro 10 de ce bulletin. L'École française d'Extrême-Orient qui, à l'époque, avait une base à Hanoï, donc au nord du Vietnam. Et Henri Maspero donc rentre beaucoup dans les détails de ce songe de l'empereur Ming. Donc vous avez ici une source en français dans laquelle vous pouvez vous plonger avec délice. Alors nous continuons notre exploration des sources concernant ces premières apparitions du Bouddha en terre chinoise. Et vous avez sur cette diapositive une source beaucoup plus tardive qui provient du Wei Shu, c'est-à-dire le livre des Wei. Il s'agit des annales de la dynastie des Wei du Nord, qui était une dynastie non chinoise, ouvrage qui est dû à un certain Wei Shou, qui a vécu entre 506 et 572, donc au VIe siècle. L'ouvrage a été compilé au milieu du VIe siècle de l'ère chrétienne. Et au dernier chapitre de cet ouvrage, vous avez un chapitre donc qui s'intitule Shi Lao. Shi qui désigne Shijiamoni, c'est-à-dire Sakyamuni, autrement dit le Bouddha, et Lao, c'est-à-dire Laozi. Donc ici, vous avez de nouveau cette intéressante combinaison, cette association de Bouddha et Laozi. Alors, on nous dit aussi ici, Hou Xiao Mingdi, Ye Meng Jingren, Xiang Yu Ruguang, Fei Xing Dian Ting, Nai Fang Qun Chen, Fu Yi Shi Yi Fo Dui. Par la suite, l'empereur Xiao Ming, il s'agit toujours de notre empereur Ming, vit en songe une nuit un homme couleur jin, couleur d'or. Et de sa nuque, Xiang, émanait une lumière solaire, Ru Guang. Il volait au-dessus du palais et l'empereur s'en enquit auprès de l'assemblée, la foule de ses ministres, et Fu Yi, toujours le même, ce savant dont il était question dans le Maozi, les Huolun, fut le premier à répondre que c'était Fo, c'est-à-dire le Bouddha. Di Qian Lang Zhong, Cai Yin, Bo Shi Di Zi, Qin Jing Deng, Shi Yu Tian Zhu, Xie Fu Tu Yi Fan. Donc l'empereur envoya en mission l'officier du palais Cai Yin, l'étudiant de l'académie Qin Jing. Donc là, vous voyez que vous avez un léger remaniement, non pas ministériel, mais un remaniement des noms, puisque Qin Jing apparaissait dans le texte précédent comme un garde du palais. Ici, on le confond avec Wang Zun, donc l'étudiant de l'académie, ainsi que d'autres. Donc ces gens-là sont envoyés en mission au Tianzhu pour copier les écritures canoniques laissées par Fu Tu, c'est-à-dire le Bouddha. Alors ici, il y a une notation tout à fait intéressante sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. C'est que vous voyez que dans tous les cas, quelle que soit la version du récit, quelle que soit la variante, vous avez cette idée de xie, c'est-à-dire d'écrire, de mettre par écrit ou de copier un texte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristiquement chinois, cette manie de chercher des textes écrits et de les recopier. Ça, c'est quelque chose qui les distingue assez nettement de la tradition brahmanique indienne, qui, elle, repose beaucoup sur la transmission orale et la mémorisation. Et le texte continue en disant donc Yin Ren Yu Shaman She Mo Teng Zhu Fa Lan Dong Huan Luoyang. Donc alors Yin, c'est-à-dire Cai Yin, accompagné des shaman, c'est la transcription chinoise de shamana, c'est-à-dire les moines, accompagné des moines She Mo Teng. Alors on a supputé qu'il pouvait s'agir d'un moine d'origine indienne appelé Kasyapa Matanga et un autre appelé Zhu Falan. Là aussi, on s'est adonné au jeu de l'identification. On s'est dit peut-être qu'il s'agit d'un certain Dharma Ratna, Dharma étant le mot sanskrit pour désigner donc la loi bouddhique, traduite en chinois par Fa. Alors, Zhu, qui précède le nom du moine, indique son origine indienne, puisque c'est le Zhu de Tianzhu. Donc, vous allez avoir justement ces indications toponymiques de certains de ces moines étrangers, Zhu, indiquant des moines venus d'Inde en principe, Kang, des gens venus de parties, etc. Enfin bon, donc vous avez ces indications donc géographiques inscrites dans le nom. Alors ces deux moines accompagnent Cai Yin qui s'en retourne vers l'est à Luoyang. Alors, Zhongguo yo shaman ji gui bai zhi fa zi ci shi ye. Donc le fait que dans Zhongguo, c'est-à-dire la terre du milieu, c'est-à-dire la Chine, le fait que dans cette terre du milieu qu'il y ait des shamans, des moines bouddhistes, et qu'il y ait gui bai zhi fa, c'est-à-dire la cérémonie de l'agenouillement ou la prosternation devant le Bouddha, zi ci shi ye commence à partir de là. Donc là, nous sommes bien dans un texte qui essaye de remonter à l'origine de certaines pratiques qu'on attribue à une origine indienne. Yin you de fu jing si shi er zhang ji shi jia li xia. Alors Yin, toujours le même Cai Yin, avait également obtenu un fu jing, donc un sutra bouddhique en 42 sections, ainsi qu'une shijia li xiang, c'est-à-dire une li xiang, une statue debout, une statue en pied, de shijia, c'est-à-dire de Sakya Muni, c'est-à-dire de Bouddha. Alors là aussi, j'aurai l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que ici, on nous indique que cet émissaire Cai Yin revient avec non seulement un texte, mais également une représentation du Bouddha, une statue en pied. Ming Di Ling Hua Gong Tu Fo Xiang Zhi Qing Liang Tai Ji Xian Jie Ling Shang Jin Jian Yu Lan Tai Shi Shi. L'empereur Ming ordonna à des peintres de dessiner des images du Bouddha et de les placer sur la terrasse Qingliang et au sommet du tumulus Xianjie, c'est-à-dire du tumulus de son fameux mausolée qu'il avait appelé Xianjie. Et le Jing, l'écriture sacrée, le sutra en 42 sections, fut conservé au secret dans la bibliothèque des archives impériales. Yin zhi huan ye 以白马赴京而至，汉阴历白马寺于洛城雍关西摩腾法兰闲住于此寺. Donc ce Cai Yin, à son retour, chargea le Jing, le fameux sutra en 42 sections, sur un baima, sur un cheval blanc. Et c'est ainsi donc qu'il arriva à destination avec ce sutra sur le dos du cheval blanc. Et c'est pour cette raison que Han, donc les Han, les Chinois, Li édifièrent, construisirent un Paima Si, donc un temple, un monastère du cheval blanc, à Luocheng, donc à Luoyang, dont on a encore une vague copie actuellement dans la ville de Luoyang, à l'ouest de la passe de Yong. Et on vous dit que les deux moines qui accompagnaient l'émissaire chinois, Mo Teng, donc ce Matanga, et Fa Lan, Zhu Fa Lan, donc sont tous les deux morts dans ce monastère. Donc ça veut dire qu'ils sont jamais retournés dans leur pays d'origine, et ils sont morts donc en terre chinoise. Le Collège de France et France Culture vous présente la sinologue Anne Chang. Aujourd'hui, quand l'empereur Ming rêve de Bouddha, quelles sont les sources et les premières représentations de Bouddha en Chine ? Alors, sur la même diapositive, vous avez la suite de ce texte qui me paraît intéressant. Nous quittons donc le récit concernant le rêve de l'empereur Ming, mais nous avons des indications tout à fait intéressantes sur des questions de prononciation. Alors, vous avez cette phrase, donc « Fu tu zheng hao yue fu tuo »« Fu tuo yu fu tu sheng xiang jin » donc, futu, on vous dit que futu, la désignation correcte, c'est fuo tuo, mais on vous dit aussi que fuo tuo et futu, leur sheng, leur son, leur prononciation, xiang jin, se ressemblent, sont proches. Et on vous dit jie xi fang yan, ce sont deux prononciations des xi fang yan, des langues de xi fang, de l'ouest. Alors, si on vous dit xi fang yan en chinois moderne, ça veut dire les langues occidentales. Ici, ça désigne les langues du monde indien. Et on vous dit que cette désignation du Bouddha par Fuotuo ou Futu, ce sont deux désignations, deux prononciations un petit peu différentes, mais pour la même divinité, et on vous explique que c'est venu, Qilai, Zhuanwei, Erin, c'est venu en Chine sous deux prononciations, parce qu'il s'agit de Xifangyan, de langue venue de l'Ouest. Et le texte continue en disant Huayan, Yi Zhi, Zhe Wei Jing Jue. Yan Mie Hui Cheng Ming Dao Wei Sheng Wu. Donc, dans la langue des Hua, c'est-à-dire la langue des Chinois, tout à l'heure nous avions vu sur la carte que l'espace chinois était désigné par Huaxia, donc dans la langue des Hua, la langue chinoise, cette désignation de Fu Tu, de Bouddha, quand on la traduit, ça signifie Jing Jue, ça veut dire Dieu, ça veut dire justement connaître l'éveil, Jing pur, connaître l'éveil pur. Donc c'est une traduction effectivement de Bouddha qui veut dire l'éveillé, celui qui a connu l'éveil, Yen, et cela veut dire que c'est l'état de celui qui, Mie Hui Cheng Ming, qui a littéralement détruit Hui, toute impureté, qui a détruit justement tout le monde impur et notamment le monde des illusions de réalité, pour Chengming, pour littéralement atteindre la Ming, la lumière ou la compréhension, la connaissance totale, Tao Wei Sheng Wu. Et on peut dire que, en termes de temps, hein, en termes de voix, hein, il s'agit donc de l'éveil d'un être saint, d'un être exceptionnellement, comment dire, plein de sagesse. Et ensuite, dans le vocabulaire courant du bouddhisme, vous aurez une combinaison de ces deux termes, tue ou, hein, pour désigner la bodhi, l'éveil bouddhique. Donc je voulais justement qu'on lise cette indication parce que là vous avez quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il existe non seulement d'autres centres de civilisation, mais qu'il existe par ailleurs d'autres langues, hein, des langues qui sont aussi sacrées, hein, et qu'il faut traduire donc en chinois. Hein. Vous avez ce terme de yi ici, qui est tout à fait intéressant et important dans le contexte de l'importation du bouddhisme en Chine, qui ne peut pas se faire justement sans ce processus de traduction. Et je rappellerai donc que cette expérience bouddhique a occasionné justement la première expérience véritablement de traduction dans le monde chinois. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de ce récit relativement tardif du Weishu, c'est qu'il mentionne, en plus du texte du sutra en 42 sections, des sculptures et des images du Bouddha, autrement dit, des images anthropomorphiques. On vous parle très explicitement de Li Xian, hein, de statue en pied. Et vous avez ici une des représentations parmi les premières représentations anthropomorphiques du Bouddha qui ont été produites au Gandhara, c'est-à-dire donc en Asie centrale, dans ce qui correspond actuellement à l'Afghanistan, en gros. Et vous reconnaissez dans chacune de ces représentations ce qui peut ressembler à une espèce de chignon là au sommet du crâne du Bouddha, qui est appelé Lushnisha, c'est-à-dire donc cette émanation de lumière, hein, et que vous retrouvez ici dans une très belle statue du Bouddha qu'on a retrouvée au nord-est de l'Inde, dans l'état du Bihar, où vous voyez très nettement donc cette Lushnisha donc au sommet du crâne du Bouddha. Alors ça, c'est une notation qui va avoir son importance quand nous allons lire justement ce troisième texte que nous avions déjà lu rapidement précédemment, mais je vous le rappelle. Il provient donc du Hōhanshū, hein, l'histoire officielle des Han postérieurs, cette partie de la dynastie Han qui a été restaurée après l'intermède de Wang Mang entre 25 et 221 de l'ère chrétienne, compilé par un certain Fan Ye qui est mort en 445 de l'ère chrétienne, donc au milieu du 5e siècle. Alors Fan Ye, on le sait, a puisé largement dans les histoires officielles antérieures, notamment le Shiji, les mémoires historiques de Sima Qian, et le Hanshu, les annales des Han antérieurs de Pangu. Mais il précise à la fin de ce chapitre que vous avez sur la diapositive, le Xi Yu Zhuan, le chapitre sur les contrées occidentales, que pour ce chapitre spécialement, il s'est beaucoup servi du récit du général Pan Yong, qui a été présenté au trône de l'empereur Han en 125 de l'ère chrétienne. L'empereur Han, qui est également un empereur des Han postérieurs, qui a régné entre 107 et 125. Donc il s'agit ici d'une source qui a été compilée au 5e siècle, mais qui remonte à des données du 2e siècle de l'ère chrétienne. Alors, ce passage nous dit ceci: Shi Chuan, Ming Di, Meng Jian Jinren, Zhang Da, Ding Yu Guangming, Yi Wen Qun Chen. On raconte d'une génération à l'autre que l'empereur Ming vit en rêve un homme Tingren, de nouveau tout doré, en or, Zhangda, de haute stature, portant un Guangming, donc une lumière brillante, et là, on vous dit Ting, c'est-à-dire au sommet du crâne. Et vous allez sans doute remarquer que ce Ting ressemble étrangement, la graphie ressemble étrangement ici à ce caractère-là qui se lit Xiang et qui veut dire la nuque. Alors on peut soupçonner que ici il s'agit peut-être d'une erreur de copiste et que en fait il s'agit bien du Ting, du sommet du crâne, puisque vraisemblablement ça désigne ce fameux Ushnisha donc que je vous ai montré sur les statues du Bouddha. Alors nous revenons à notre texte. Cet homme tout en or, de haute stature, porte une lumière brillante au sommet du crâne, et l'empereur interroge la foule de ses ministres, qui lui répondent Huo Yue, Xi Fang Yu Shen, Ming Yue Fuo, Qi Xing Zhang Zhang Liu Chi, Huang Jin Se. Donc, l'un d'eux, de ses ministres, dit à l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fuo. Et son corps mesure 16 chi, c'est-à-dire, si on calcule, ça doit faire quelque chose de plus de 3 mètres, effectivement, de haute stature, donc. Et il est huang jin se, il est couleur dorée. Di yu shi, qian shi tian zhu, wen fo dao fa, sui yu zhong guo, tu hua xin xiang yan. Là-dessus, l'empereur envoya des émissaires au tian zhu, pour s'enquérir de fa, de la loi, hein, c'est-à-dire donc le dharma en sanskrit, la loi bouddhique, à la suite de quoi on vit apparaître dans Zhongguo, le pays du milieu, des images et des statues du Bouddha. Et ensuite arrive cette indication très intéressante à propos de personnages qui, eux, sont tout à fait historiques. On vous parle de Chu Wang Ying, c'est-à-dire le roi de Chu, qui s'appelait Ying. Chu, je vous rappelle qu'il s'agit d'un ancien royaume situé dans la partie méridionale de l'espace chinois de l'époque, c'est-à-dire au sud du grand fleuve, ce qu'on appelle le Changjiang, ou en bon français le Yangtzekiang, n'est-ce pas ? Ou de façon tout à fait erronée, le fleuve bleu. Vous avez ces deux grands fleuves qui traversent l'espace chinois. Vous avez le fleuve jaune au nord et le fleuve dit bleu au sud. Donc le royaume de Chu est un royaume qui se situe au sud de ce fleuve bleu ou de ce grand fleuve. Donc ce roi de Chu, qui s'appelait Ying et qui était donc, on va le voir, le demi-frère de l'empereur Ming, autrement dit c'est un contemporain de l'empereur Ming, Shi Xin Qi Shu. Donc, commença à croire aux shu, aux techniques bouddhiques, et pour cette raison, dans le pays du milieu, Zhongguo en Chine, certains adoptèrent ce tao, cette voie. Hou huan di hao shen, shu si fu tu lao zi, bai xing shao you feng zhe. Par la suite, l'empereur Huan, c'est l'empereur suivant, donc qui a régné entre 147 et 167, se mit à adorer la divinité et à offrir plusieurs sacrifices à Fu Tu, au Bouddha, et à Lao Zi. Les gens du peuple commencèrent à adopter ce culte. Puis ils devinrent de plus en plus nombreux à y adhérer. Alors l'intérêt de ce récit, c'est bien évidemment la mention de toutes ces pratiques bouddhiques. Ici, on emploie très clairement le terme de shu ici, qui veut dire des techniques. Alors ça peut être des techniques de concentration, des techniques de méditation, des techniques de contrôle de la respiration. Hein, tout ça, c'est du domaine du Shou. On vous parle aussi de Tao, hein, de voies ou qui peuvent. Tao veut dire aussi des recettes, hein, d'immortalité, par exemple. Toutes ces pratiques introduites par ce personnage historique, ce Yin, donc roi du royaume de Chu, qui est donc l'un des nombreux fils de l'empereur Quang Wu, cet empereur qui a régné de 25 à 58, donc le prédécesseur immédiat de l'empereur Mingdi, c'est-à-dire son père en fait, et l'empereur Guang Wu qui a été le refondateur justement des Han, hein, fondateur des Han postérieurs après l'intermède de Wang Mang. Et je disais tout à l'heure que ce roi Yin de Chu est donc le demi-frère de l'empereur Ming. Et on nous mentionne aussi dans ce texte, hein, le début d'un culte conjoint rendu à Fu Tu et Lao Tzu, hein, Fu Tu, le Bouddha, et le Lao Tzu. Alors ici interviennent les travaux des historiens de l'art, des archéologues, hein, puisque les découvertes archéologiques et ces travaux d'historiens ont montré ce que le grand historien d'art Wu Hong, établi aux États-Unis, a appelé l'interchangeabilité entre la figure du Bouddha et les divinités autochtones chinoises, essentiellement taoïstes. Alors, Wu Hong est l'auteur de très nombreux ouvrages et de très nombreux articles. Celui qui nous intéresse plus immédiatement ici est un article qui s'intitule « Buddhist Elements in Early Chinese Art, Second and Third Centuries AD », donc les éléments bouddhistes dans l'art chinois ancien, entre le deuxième et le troisième siècle de l'ère chrétienne, qui est paru dans la revue Artibus Asiae, numéro 47, de l'année 1986. Et dans cet article, Wu Hong note que pour le commun des Chinois de la fin des Han, donc nous, ici, nous sommes non pas dans le domaine des élites, hein, mais on pourrait dire le commun du peuple, donc vers la fin des Han, c'est-à-dire nous sommes au 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne, le Bouddha apparaissait comme un dieu étranger. On savait qu'il venait d'ailleurs. On pensait qu'il avait atteint l'immortalité, parce que les récits bouddhiques nous parlent du parinirvana du Bouddha, hein, c'est-à-dire donc il est sorti de la roue des réincarnations. Et les Chinois savaient qu'il était capable de voler. Alors là, bon, je ne sais pas exactement d'où ils sortent ça, mais enfin, en tout cas, toute divinité qui se respecte est capable de voler, n'est-ce pas ? Capable aussi de se métamorphoser et d'aider, ça c'était très intéressant, d'aider les êtres humains à faire comme lui. Et en tant que divinité perçue de cette façon, le Bouddha a été mis sur le même pied que les immortels taoïstes, et en particulier Shi Wangmu, la reine mère de l'Ouest, dont vous avez un estampage ici, pas très net, mais qui a été retrouvé dans une tombe au Sichuan, donc dans le sud-ouest de la Chine. Alors Shi Wangmu, la reine mère de l'Ouest, sur laquelle je vous ai cité un article ici, paru dans la même revue Artibus Asiae, numéro 55 en 1995, dû à Jean James, An Iconographic Study of Shi Wangmu During the Han Dynasty, donc une étude iconographique de la reine mère de l'Ouest sous la dynastie Han. Donc cette reine mère de l'Ouest, on lui a collé, si j'ose dire, un consort masculin, hein, qui est son symétrique, son pendant en quelque sorte, Tong Wangkong, c'est-à-dire le roi-père de l'Est. Bon, mais c'est un ajout, hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, elle ne peut pas rester toute seule, la pauvre, il faut lui trouver donc un consort, et on lui a inventé ce roi-père qui, lui, règne sur l'Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette reine-mère de l'Ouest est associée, comme le Bouddha, précisément au culte d'immortalité, et donc au rite funéraire. C'est ce qui explique que vous vous retrouvez pas mal de ces représentations, essentiellement de cette reine-mère de l'Ouest, dans les tombes, comme celle que je vous montrais tout à l'heure. Et comme par hasard, cette reine-mère de l'Ouest, comme son nom l'indique, règne sur les contrées de l'Ouest, et comme par hasard, c'est également par là qu'arrive le Bouddha, d'où l'amalgame complet. Et juste pour terminer pour aujourd'hui sur justement une petite note exotique, je vous rappelais la semaine dernière que avec l'influence indienne arrive l'éléphant dans l'iconographie chinoise. Bien sûr, les Chinois n'ignoraient pas l'existence des éléphants. Il y en avait dans le sud de la Chine. Mais ici, vous avez un éléphant tout de même assez extraordinaire, puisqu'il est équipé de 3 paires de défense. Ça ferait l'affaire justement des trafiquants d'ivoire. Hein. Vous vous rendez compte, 6 défenses pour le prix d'un éléphant, c'est une bonne affaire. Vous avez cette représentation donc sur un bas-relief des Han, signalé donc dans un article de Lao Gan, dans la revue qui s'intitule Harvard Journal of Asiatic Studies de 1954. Donc voilà. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Han Cheng, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, quand l'empereur Ming rêve de Bouddha, quelles sont les sources et les premières représentations de Bouddha en Chine? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Cheng. Elle est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius au seuil dans la collection Point Sagesse en 1981. Je rappelle également son Histoire de la pensée chinoise en Point Seuil en 2014. Un grand merci à Anise Signoret et Antoine Billoz de la documentation de Radio France. Réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur l'universalité et la centralité en Asie en compagnie d'Han Cheng. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture. Thank you.